17h08 sur France Inter, on retrouve Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Si tu écoutes, j'annule tout. Merci Marion. Qu'avez-vous décidé d'annuler pour nous écouter? Eh bien écoutez, un petit cours de yoga. Ah, ça vaut le coup hein, quand même. Mais oui, parce que pour faire les informations toute la journée, c'est sûr qu'il faut être très très détendu. Et voilà. Merci Marion. Écoutez comment nous détendons le matin en discutant des sujets pour préparer cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Alors, on est en forme. Zaï, zaï, zaï, zaï. Et on reçoit Joe Dassin. Mais non, on reçoit Enrico Macias. Ah, eh oui, il aime les gens du Nord en plus, c'est bon pour vous ça. Et nous, on aime beaucoup Enrico. Ah, d'ailleurs, on lui parle pas tout de suite de Sarko. D'accord. On va trouver un sujet sur Hollande, comme ça, s'il veut en parler, il en parlera. Okay, d'office, parce que Hollande lui-même, quand il parle de lui, eh ben, il finit toujours par parler de Sarko. Ouais, c'est vrai. Alors, je propose qu'on parle de Hollande dans le chasseur français. Non. Peut-être il cherche une meuf. Non, il a donné une interview. Ah bon? Ça, en matière de gâchette, il a un vrai avis. Non, mais c'est fou, il y a quand même eu Mélenchon dans Closer, ouais, Juppé dans GQ, Fillon dans Gala. C'est n'importe quoi. Il manque que Che Guevara dans nous deux. Et Maison et Travaux. Ah bah, Anne Satsuki. Ah, ah oui, c'est vrai qu'elle a eu le temps de maroufler. Ah ouais. Et Ben Laden dans Plongée Magazine. Ah oui, l'interview va pas être longue. D'ailleurs, vous vous souvenez que quand on a vidé la maison de Ben Laden, on a retrouvé des cassettes d'Enrico Macias. Mais oui, ça et des films X. Ouais, drôle de vie, le gars, quand même. Hein. Un peu d'Enrico, un peu de Rocco. Et pas les deux en même temps. C'est quand même bizarre, cette histoire. Oui, oui. Enfin, il a le droit, Ben Laden, d'avoir bon goût en musique. C'est vrai. Et vous croyez que Kim Jong-un, il écoute quoi? Bah, Dalida. Comment tu sais ça? Parce qu'il a la même coupe de cheveux qu'Orlando. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui vérifie les papiers de l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va soumettre à une fouille, enfin à une palpation de sécurité, comme on dit de nos jours, jusqu'à 18h. C'est le retour du débat sur la carte scolaire. 10 départements vont tenter de la rendre plus équitable, pour davantage de mixité sociale, bref, pour faire un peu mieux que ça. Alors je vous présente votre nouveau camarade, Samy Ben Bambou, dont le papa est mort et dont la maman est partie travailler sur un bateau. À qui François Hollande n'avait-il pas encore donné d'interview? Eh bien, aux chasseurs français. Eh bien, c'est fait. Le président a un avis sur le gibier et les animaux sauvages. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois. Taratata est de retour en télévision avec sa 500e depuis la variété chez les Carpentiers. Quelle musique voit-on aujourd'hui à la télévision? C'est de la merde. Quoi? C'est ça, c'est allez, non, mais essayez de développer un peu. Développer, c'est de la merde, c'est tout. Je suis accompagnée de celui qui admire Mike Brandt, moins pour ses chansons que pour ses chutes. C'est Alex Vizorek. Pour sa chevelure, parce que j'aimerais bien avoir la même. Alors, autour de la table, une belle équipe, Charline, parce qu'on a un invité de qualité. À 17h20, on commence. Alors, elle parle une langue étrangère pour moi, puisqu'elle parle musique. Mais elle essaye de me l'apprendre. Leçon 1, My Taylor is Rich. Et le Taylor en question, ce serait Steven Taylor d'Aerosmith. Bon, bah, c'est Mélanie Bauer. Hey, bonsoir. Le mot du jour, c'est... C'est quoi le mot du jour? Espoir. Ah, peut-être un lien avec l'invité quand même. À 17h30, notre Tintin reporter. Sauf qu'il est appliqué comme le professeur Tournesol et discret comme la Castafiore. C'est Guillaume Meurice. Oui, c'est moi. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je me suis intéressé aujourd'hui au secret des affaires. Parce que figurez-vous que le MEDEF a organisé un petit colloque sur le sujet en toute discrétion. J'y ai croisé plein de gens intéressants. Bon, moi, je travaille tout bêtement dans l'ingénierie logicielle pour le secteur bancaire et financier. Voilà, tout bêtement. Et à 17h40, elle, c'est la Castafiore, notre Castafiore de la littérature. Sauf qu'en matière de descente, c'est plutôt le Capitaine Haddock. Bonjour, Juliette Arnaud. Bonjour. Alors, je vais vous faire plaisir. Je vais parler de chevelure, je vais parler de cheveux et de politique, parce que si, c'est possible qu'il y ait un rapport. Très bien. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Albert Lebrun, mais c'était hier. Vous quittez l'Algérie en 61, quand Youri Gagarine quitte la Terre pour être le premier homme dans l'espace. Vous chantez Les filles de mon pays en 64, quand France Gall chante Sacré Charlemagne. Et vous devenez ambassadeur itinérant auprès des Nations Unies en 97, quand Florent Pagny devient ambassadeur de la chanson française avec Savoir Aimer. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Enrico Macias. Ah, mais non, oui, mais si, évidemment. Je l'ai reconnu. Bien, en tout cas. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Enrico Macias, on n'arrive pas à croire que c'est vraiment vous. Qu'est-ce qui nous le prouve? Ben écoutez, Non, c'est pas lui. Lai, popopo, gigi. C'est lui, on est sûr. On est sûr que c'est vous. Enrico Macias, vous publiez L'envers du ciel bleu au Cherche Midi. C'est une deuxième autobiographie, parce qu'il y a déjà une biographie qui était parue. Et alors, vous y parlez évidemment de l'Algérie, où vous êtes né, de votre arrivée en France, de comment, on comprend comment vous débarquez en pleine période yéyé, vous, avec votre guitare espagnole. Et puis surtout, tout au long de ce livre, vous parlez de Cher Raymond, le musicien le plus connu de Constantine. C'est aussi votre père spirituel, musicalement, votre beau-père. Il est présent vraiment tout au long du livre. Et le jour où il se fait assassiner, votre famille quitte l'Algérie. Et puis on comprend à la fin du livre aussi que le jour où vous sentez votre carrière qui s'essouffle un peu, enfin c'est en revenant à sa musique que vous renaissez. Donc en fait, il est un peu, il lui est dédié aussi ce livre. C'est pour ça qu'il y a une deuxième autobiographie. C'est vrai, mais c'est pas une autobiographie, c'est un petit peu mes sentiments, ma face cachée de l'image que j'ai vis-à-vis du public, de mes enfants, de mes petits-enfants. Et Bertrand Dical m'a fait sortir de mes tripes ce que je n'avais jamais osé dire. Et grâce à lui, j'ai pu montrer la douleur, les souffrances que j'ai eues dans ma vie, qui m'ont permis de grandir, les échecs aussi, mes grands succès bien sûr, mais les succès viennent tout le temps après les échecs, tout le temps. Et cette face cachée, cette douleur que j'ai voulu l'exprimer dans ce livre pour que ce livre soit une sorte de testament, certes, mais c'est surtout de transmission aux futures générations, au public qui me suit depuis 53 ans. Et je voulais qu'ils sachent qui je suis vraiment. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît mieux et vous vous livrez beaucoup dans cet ouvrage. On apprend par exemple que votre père, à Paris, il a tout fait pour faire vivre la musique arabo-andalouse, jusqu'à jouer dans les cafés, devant les soifards, etc. Et même, ça vous a valu des disputes et de... Oui, c'est-à-dire que, à la fois, j'étais pas d'accord avec mon père, mais maintenant que le temps est passé, je veux lui rendre hommage parce qu'il a réussi, orphelin lui aussi de Tonton Raymond, de Cheikh Raymond, et de la musique arabo-andalouse avec le décor de l'Algérie, il a réussi à maintenir cette tradition. Il a maintenu avec des mauvais musiciens, avec son violon, avec sa voix. Et puis de temps en temps, je l'accompagnais aussi, bien sûr. Mais c'était pas comme avec Tonton Raymond, et il a réussi à maintenir la musique arabo-andalouse jusqu'à sa mort. Et ça, je dois lui rendre hommage. Et pourquoi je lui en voulais au début? C'est parce que j'étais trop gâté avec Tonton Raymond, parce qu'on jouait dans des salles de concert, on jouait dans des beaux mariages, des belles bar mitzvahs, tout ça. Puis Tonton Raymond, c'était quand même la grande classe, quoi. Il y avait une aura extraordinaire autour de lui. Oui, c'était la grande classe. Et quand j'ai joué avec mon père, je jouais dans des endroits, mais incroyables, quoi. Et tout le monde enflammé par l'alcool, manquait de respect à mon père. Mon père, moi évidemment, je supportais pas ça. Je tabassais les gens qui insultaient mon père. Ah oui, vous allez père. Jusqu'à la castagne. Hein. Ça, c'était yéyé, en revanche. Je finissais toutes les nuits au poste de police. C'était les moins belles bar mitzvahs, alors. Une moins belle bar mitzvah, c'est quoi, un baptême? Oui, si voilà. Et puis dans ce livre, hein, L'envers du ciel bleu, il y a aussi, vous pourriez être Kofi Annan, hein, parce qu'il y a votre vision des relations entre juifs et musulmans, avec cette nostalgie de la concorde qu'il y avait quand vous étiez enfant à Constantine, en Algérie. Et vous équilibrez toujours votre propos en cherchant toujours les liens qui peuvent apaiser. J'ai deux exemples dans ma vie. C'est d'abord ma vie, trois. La vie en Algérie, c'était la vie des chrétiens, des juifs et musulmans qui étaient vraiment ensemble avant la guerre, avant la déchirure de la guerre. Et puis après, comme exemple, comme référence, c'est l'Andalousie. Parce que c'est une période qui a vraiment existé. Oui, oui. Les juifs, concorde, les musulmans et les chrétiens vivaient en très très bonne intelligence. Dont et les athées. On oublie les athées. Il y avait des athées. Non, les athées, bien sûr. Ils ont donné naissance à de grandes révolutions scientifiques et artistiques et littéraires et philosophiques. Ce que j'ai voulu tout le temps, que l'humanité redevienne l'Andalousie. Et on a essayé en Algérie. On a essayé. Puis il y a eu cette guerre d'indépendance qui a tout foutu en l'air. Et puis voilà, nous voilà là, ici. Puis c'est tout le temps mon rêve. C'est tout le temps mon rêve. Et un idéal que vous exercez finalement à travers la musique arabo-andalouse. On va avoir l'occasion d'en parler avec Mélanie Blouver. Et puis aussi, la chance que j'ai eue de travailler avec Kofi Annan, qui est un très grand humaniste. Et comme ambassadeur Ambassadeur, bon, les titres, moi, j'aime pas trop. Ambassadeur itinérant, c'est quand même la classe, Enrico Macias. Oui, mais quand il m'a nommé ambassadeur, il a dit lui-même, finalement, vous allez continuer ce que vous avez toujours fait. Et c'est la vérité. Et moi, j'adore Kofi Annan. Je regrette qu'il ne soit plus secrétaire général des Nations Unies. C'est pas que j'aime pas Ben Ki-moon. Ben Ki-moon, il a un nom de chez nous. Ben Ki-moon. Mais c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas pareil. Enrico Macias est avec nous. L'envers du ciel bleu, c'est publié au Cherche Midi. On va avoir l'occasion d'en reparler, notamment avec le sujet sur la musique à la télévision. Et puis la musique arabo-andalouse avec la chronique de Mélanie Bauer. Vous êtes sur France Inter. Barba Gallo. Exactement. Et le frère de Barbatruc. Le Max Gallo. Voilà, vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Enrico Macias jusqu'à 18h qui publie L'envers du ciel bleu au Cherche Midi, une autobiographie. Et autour de la table, elle connaissait le chanteur. C'est Mélanie Bauer et les autres, évidemment, que c'est rien du tout comme moi. C'est Guillaume Meurice et Juliette Arnaud. Allez, Enrico Macias, je sais que vous aimez rire. Vous l'expliquez dans votre livre. Alors, rions, on va vous donner quelques nouvelles du monde. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Je suis un peu fâché, Charline, parce qu'on fait de l'information, on n'est pas là pour rire. On commence par les titres. C'est vrai. Anne Hidalgo est interdite d'aller à Maison Lafitte sur décision du député maire. Eh ben, ça tombe bien, elle n'avait pas prévu d'y aller. Environnement. Pour montrer qu'il est simple de faire un geste pour l'environnement, Jacques Séguéla, Sophia Aram et Laurent Voulzy se prennent une claque dans une vidéo. Regardez-la, parce que c'est pour la bonne cause. Et puis c'est toujours marrant de voir Séguéla se faire gifler. Et puis il y aura des brèves et même un bulletin météo. Ça commence dangereusement à ressembler à un vrai journal, il faut qu'on se méfie. On commence donc par Jacques Millard, le député maire de Maisons-Laffitte. Oui, il a interdit de séjour dans sa ville, Anne Hidalgo, au prétexte que la maire de Paris va rendre piétonne des voies sur berge. Jacques Millard y voit une décision autoritaire. Donc un type qui juge une élue trop autoritaire décide de l'interdire de séjour. C'est ça. C'est ça. Voilà. Jacques Millard, pourquoi ce nom dit quelque chose? Parce qu'il fait partie des députés qui sont allés rendre visite à Bachar el-Assad. Ah, une vraie belle relation à l'autorité. Mais Bachar el-Assad, il n'est pas autoritaire, sinon il ne serait pas obligé de faire appel à Vladimir Poutine pour les... Et voilà, bon, voilà. Laissez tomber. La suite. Oui, Marine Le Pen est jugée aujourd'hui pour provocation à la haine en correctionnel à Lyon. T'as mis ça parce que Lyon, c'est quand même la ville de la quenelle. Hein. Peut-être pas de hasard. France, nouvelle mesure de sécurité dans les transports. Les passagers pourraient être soumis à des fouilles. Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de valider vos titres de transport et de vous faire palper. Passons à l'information internationale, une information qui va vous plaire, Enrico. Oui, Israël, un restaurant offre 50% de réduction aux Juifs et Arabes qui s'attablent ensemble. C'est dingue ce que les Juifs sont prêts à faire pour avoir une réduc. Sport. Je me suis dit, si elle passe, c'est bon. Elle est validée par Enrico. Ça va. Sport. Oui, le tracé du Tour de France 2016 a été révélé ce matin. Cette année, il passera par Andorre et par la Suisse. Ah ben voilà, voilà. On ne savait pas ce qu'il était devenu, mais ça fait plaisir de voir qu'il s'occupe du tracé du Tour de France, Jérôme Cahuzac. Voilà, sport toujours. Djibril Cissé, 34 ans, a annoncé qu'il prenait sa retraite. Mais moi, je trouve ça normal. Plus on a un métier difficile, plus on se donne du mal pour faire son boulot, plus c'est normal qu'on prenne sa retraite tôt. Voilà. Et on en profite d'ailleurs pour souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à André Santini, 75 ans, député des Hauts-de-Seine, toujours en activité. Voilà, ah, donc lui n'a pas cissé toute activité. Oh, c'est amusant. Ça fait plaisir, c'est cadeau, c'est affaire. Les amateurs de jeux de mots se régalent. Média. Jacques Séguéla se lance donc dans la protection de l'environnement par des spots pour France Télévisions. On écoute. Chaque année, nous jetons 600 000 tonnes de fruits et de légumes simplement parce qu'ils sont moches. 600 000 tonnes, 60 fois le poids de la Tour Eiffel. Mais on est malade. On est malade, il le dit. S'il y a 50 ans, t'as pas sauvé la planète, t'as raté ta vie. On écoute la suite. Alors maintenant, j'ai pris une bonne résolution. C'est moi qui vais acheter les fruits et les légumes et je prends les plus moches. Et plus ils sont moches, plus je les achète. Plus ils sont moches, plus je les aime. Oh la claque. Et la claque, c'est un peu le comédien, c'est Séguéla qui nous la donne à tous. C'est vraiment la meilleure de l'année. Alors, un fait divers. Oui, cette info terrible dans le Val d'Oise. Je vous lis le titre comme il est dans la presse. Il croit que Francky Vincent est l'amant de sa femme et la tue. Voilà, ça date de 2012, oui. Mais le procès s'ouvre aujourd'hui. En fait, l'homme est tombé sur une photo de Francky Vincent dans le sac de sa femme. Et heureusement voilà. Qu'il n'est pas tombé sur un disque. Tu veux mon zizi? Je sais pas si vous avez Francky Vincent, mais moi j'aime beaucoup. Et on termine par Philippe Verdier. Là, la météo. Oui, France Télé a mis à pied son présentateur météo car il est climato-sceptique. À France Inter, on lui propose quand même de faire un petit peu d'antenne. Bonjour à tous, la carte derrière moi, vous pouvez y voir plusieurs soleils, un à Bordeaux, un à Marseille, un à Paris. Eh bien c'est une erreur, en fait il n'y a qu'un seul et unique soleil dans le ciel et un seul soleil ça chauffe moins, donc le réchauffement climatique c'est du pipeau. Les températures demain, il fera moins 14 à Paris, moins 26 à Nice et moins 42 à Ajaccio. Pensez donc bien à allumer vos chauffages électriques. Éphémérite, demain c'est la Sainte-Charlotte et comme le dit le dicton, à la Sainte-Charlotte, les ours polaires s'amusent sur leurs calottes. Oh là. Voilà, c'est du travail. Une activité normale, il est 17h26, c'était donc le journal de presque 17h17. Nous sommes toujours en compagnie d'Enrico Macias. Vous n'êtes pas atterré, ça va jusqu'au bout. Ah non, pour l'instant, tout va bien. Je vous écoute, je ne sais pas si vous avez remarqué. On va parler ensemble. Vous êtes le premier invité, ça fait un an et demi. Voilà. Allez, premier sujet avec vous, Enrico Macias. Conséquence de la carte scolaire, les agents immobiliers qui vous vantent un logement précise, collège de secteur réputé. Car c'est un argument aussi bon que parking surveillé à présent. Oui, c'est les miracles de la carte scolaire, qu'est-ce que vous voulez. Hein, c'est aussi des trésors d'imagination des parents pour contourner les règles. Tiens, j'ai piqué ça tout à l'heure. Qui c'est? Des clients chez qui j'ai travaillé. Regarde, ils ont à peu près notre âge, un petit garçon de 5 ans. Je ressemble vaguement au type, et la femme, c'est un peu ton style. Vous ne voulez tout de même pas que je m'habille en femme? Je veux que tu passes les barrages. Alors essaye-moi ces putains de robes et on discutera après. Tu vas voir, ça va vite repousser, t'inquiète pas. Tu es grotesque. Fais voir. Je fais pas 10 mètres habillé comme ça. Même au Brésil, je me ferai arrêter. Comment tu t'appelles? Jean-Claude. Très bien. Et moi, comment je m'appelle? Papa. Et lui? Maman. Qu'est-ce qui t'a fait à tes cheveux, ma pauvre petite fille? fais rien, maman, ça va repousser. M'appelle pas maman, mais si. Ah oui, c'est vrai. Tu es très jolie, maman. J'aime pas qu'elle m'appelle maman. En route, Marie-Cécile. Oh là là là là. Un extrait des Fugitifs pour illustrer tout ce qu'on peut faire pour contourner la carte scolaire et mettre son mioche là où on veut. Alors, Enrico Macias, vous qui avez été un peu instituteur. Oui, hein, pas longtemps. Un peu, beaucoup. Pas longtemps. Ouais. Oui, alors après, quand vous êtes arrivé en France, ça a été plus compliqué. L'éducation nationale, oui. Enfin, pour notre plus grand bonheur et votre guitare, ça c'est sûr. Mais vous qui avez été instituteur, le lieu en toute logique qui est le plus favorable à la mixité sociale et où on peut la rencontrer quand on où on a l'occasion de la rencontrer, c'est quand même l'école, non ? Ben oui, si on veut combattre la ségrégation, il faut maintenir l'école et la carte scolaire veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour moi l'idéal pour mélanger tout le monde, pour qu'il y ait une diversité de jeunes moyens ou pas moyens dans leur famille, dans l'école de la République, pour qu'ils arrivent à avancer dans la vie, pour la connaissance, pour le savoir, pour que tout le monde soit à égalité pour le savoir. L'intelligence n'a pas de frontières. L'intelligence et la mémoire n'ont pas de drapeau. Finalement, ce qu'on appelle les bonnes écoles, on reçoit un bon enseignement, tout ça entre guillemets. Alors c'est très bien, mais la mixité sociale, c'est un enseignement aussi extraordinaire et on apprend des choses que l'école ne nous apprend pas finalement. C'est vrai. C'est vrai. Moi, vous savez, j'ai eu la chance d'être dans une école où il y avait cette mixité. Il y avait cette mixité, il y avait cette diversité. Ce que je voudrais pas, c'est que les villes se ghettoïsent. Qu'il y ait des gens d'un certain niveau social en banlieue, seulement en banlieue. Il faudrait que tout le monde se rassemble, tout le monde vive ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Vous êtes un hippie, Enrico Macias, c'est vrai. Donc, je vous renvoie à la presse, notamment au Parisien et au Figaro, qui vous explique qu'il y a 10 départements qui vont faire un test où ce sera l'origine sociale qui va permettre de déterminer qui est dans la classe pour une plus grande mixité. Non, mais on n'est pas vraiment inquiet. C'est bon, Henri IV, il y aura toujours que des gens. ça, on n'est pas inquiet. Ah bon, Henri IV et Louis le Grand, on n'est pas inquiet. Mais c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Allez, la musique, un petit peu la musique avec vous, Enrico Macias et Mélanie Bauer sur France Inter. Alors, le mot du jour, hein, pour vous, Gaston, c'est espoir. Je peux vous appeler Gaston ? Oui, mon vrai prénom. Ça me fait plaisir. Alors, vous avez fait pleurer Thierry Ardisson, frissonner Michel Drucker, on ne pourra pas faire mieux. Alors, plutôt que de regarder vers le passé, je vous propose d'envisager l'avenir. Commençons par cette guitare que vous maîtrisez à merveille, cette technique qui vous vient des Gitans. En 79, vous prenez d'ailleurs sous votre aile à l'Olympia les Gypsy Kings. Eh bien, la rumba catalane, chère à la famille Reyes, est candidate pour être inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel des Nations Unies, une initiative franco-espagnole pour faire classer cette musique née à Barcelone dans les années 60 au patrimoine mondial afin qu'elle devienne immortelle. On est le flamenco de los Reyes, mi hermano. De la playa de Saint-Tropez, ay que me gusta de cantar de flamenco. Là, c'est un premier espoir. Autre espoir, la nouvelle génération. Bon, ils ont bien 40 ans bien tapé, mais ils portent en eux le bagage de leurs parents qui ont quitté l'Algérie pour le transmettre à leur tour aux plus jeunes. Ils s'appellent Mousse et Hakim du groupe toulousain Zebda et reprennent les chansons de l'immigration algérienne avec un titre habilement intitulé « Origine contrôlée ». Alors la chanson qui vient, c'est une chanson d'un grand chanteur de Chaabi algérois. Il s'appelle Tahman al-Harrachi. Vous connaissez ? Vous connaissez Tahman al-Harrachi ? En français, c'est Tahman al-Harrachi. Donc voilà, Tahman al-Harrachi, il a été rendu populaire en France par Rachita il y a quelques années, avec une chanson qui s'appelle Ya Rayah. Vous connaissez Ya Rayah ? Vous connaissez ? Oui, ah, voilà, oui. Vous connaissez Tahman al-Harrachi. Ben voilà, vous connaissez Ya Rayah. Tantara, tantara, tantara, tantara, tantara, tantara. C'est vraiment lui. Bravo, c'est Enrico. Et puis, il y a cet espoir époustouflant ce voyage, celui d'une femme dans la Casbah d'Alger, Safinès Bousbia, qui rencontre dans le fond d'une boutique, par hasard, un des maîtres du Shahabi. Cette musique inventée au milieu des années 20, qui signifie littéralement le son du peuple, de cette rencontre naîtra un film et un orchestre réunissant des chanteurs juifs et musulmans séparés suite à l'indépendance algérienne. El Gusto, c'est le Buena Vista Social Club algérien, un espoir qui réunit ceux que l'histoire a séparés il y a plus de 50 ans. On y retrouve d'ailleurs votre ami Robert Castel. Exactement, exactement. عداد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالين شحال ضيعت وقات وشحال زيد ما زالوا تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تايا ما تجري بيك وعد القدرة واللازمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي عن دموع العباد الغافلين قبلك وقبلين. On sait maintenant que Enrico Macias n'est pas espagnol. Enfin, Enrico Macias avec El Gusto. Mais on est andalou, parce qu'en Andalousie, on chantait vrai, ça. C'est vrai. Enfin, un ultime espoir dans Le Parisien aujourd'hui, l'annonce d'un concert hommage au Rail à Paris, célébrant 10 ans après la mort de Chérard Imiti, le 30e anniversaire du Festival Rail du 23 janvier 1986 à Paris. Ça se passera le 29 janvier 2016 à la salle du Zénith de Paris avec la participation des chanteurs Rail de France et d'Algérie. Une nouvelle preuve que les cultures ne se dissolvent pas les unes dans les autres, elles s'enrichissent les unes les autres. Espoir. Merci, c'est très très beau. Très très beau. Moi aussi, c'est mon espoir. Bah oui. C'est mon espoir. Parce que quand je suis arrivé en France, j'avais la musique de Tonton Raymond qui m'influençait dans l'écriture de mes chansons. Puis après, J'ai introduit la musique arabo-andalouse dans mes chants, dans mes spectacles. Et puis, il y a eu le Rail. Le Rail, c'est pas moi le maître du Rail. C'est Khaled, Rachid Taha. Mais ils se sont inspirés de moi pour que le Rail existe. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'elle racontait, la chanson? Hein? Qu'est-ce que disait la chanson? La chanson, elle parle des migrants, justement. C'est un peu d'actualité parce que c'est quelqu'un qui part de son pays, tu t'en vas, mais tu reviendras toujours chez toi. Voilà, c'est ça, en gros, ce que ça veut dire. Ce qui est un peu moins le cas pour vous, parce que le retour en Algérie est compliqué. Mais le mot, c'était espoir. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais vous l'expliquez, alors je vous renvoie à L'envers du ciel bleu, que vous publiez au Cherche Midi, Enrico Macias. Perdez pas le Nord, vous, hein. Vous comprendrez, vous comprendrez pourquoi il ne peut pas rentrer, pourquoi il a essayé. À cette heure-ci, Enrico Macias, après la musique, l'enquête, l'investigation, parce que vous savez, on passe du coq à l'âne ici. Ouais. Je vous le présente, il s'appelle Guillaume Meurice. Sur France Inter, tous les jours à 7h06, c'est le moment Meurice. Oui, alors moi je vais vous parler de secrets aujourd'hui, et plus particulièrement de secrets des affaires. C'était le sujet d'un colloque organisé par le MEDEF Île-de-France. Et moi, je trouve ça beau, tous ces gens qui veulent rester discrets. C'est vrai, on est à une époque où tout le monde cherche à faire le buzz en montrant son cul à la télé, ou plus vulgaire encore, hein, je pense à ceux qui invitent Alain Finkielkraut pour qu'il parle, par exemple. Ben voilà, on est en pleine vulgarité. Et bien là, au MEDEF, j'ai rencontré des gens simples qui aspirent juste à une vie paisible, tranquille, loin des caméras, des micros et des médias. C'est le cas d'Hervé Mercier, un entrepreneur que j'ai rencontré. Alors pourquoi ce culte du secret? Pourquoi cette méfiance vis-à-vis des journalistes? Je crois que on exerce le secret des journalistes comme auprès de n'importe quel acteur. Pour moi, le journaliste est un acteur comme les autres. Vous travaillez dans quel secteur, vous ? Bon, moi, je travaille tout bêtement dans l'ingénierie logicielle pour le secteur bancaire et financier. C'est tout bête, ça ? Disons que c'est moins valorisant que les grandes entreprises dont on parle souvent, en particulier dans les médias. Ah bah oui, mais si vous voulez pas parler aux médias, c'est parce que vous voulez garder le secret. C'est-à-dire que les médias viennent pas très souvent à moi. J'ai fait une toute petite intervention chez un de vos confrères un matin à l'aube, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Ah mais si on vient à vous et que vous dites rien, du coup, on va plus venir. Ouais. Ah bah oui, voilà, ouais, oui, voilà, j'y pourrais savoir, Hervé. Parce que ce que tu cherches, Hervé, là, ça s'appelle de la promo. Et du coup, je te conseille plutôt de tenter ta chance chez Patrick Sébastien, par exemple. Hein, tu montes un numéro de jonglage en engineering financier avec un trapéziste en juste au corps et un ours en bikini. Et là, on parlera de ton entreprise en bien, entre une interview de Daniel Gilbert et une chanson d'Enrico Macias, pardon, mais on en parlera quand même en bien. Sinon, effectivement, tu prends des risques. Il y a ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et quand on se fait gauler, qu'est-ce qu'on fait? On appelle une conseillère en communication de crise. Par exemple, Françoise Sens, de l'agence de parasites, de communicants, pardon. Communicants de crise. Pardon, excusez-moi. Cap Sirius. Lanceur d'alerte pour une entreprise, c'est une situation de crise. C'est un problème. Donc là, vous êtes plutôt du côté de ceux qui cachent la vérité plutôt que de ceux qui défendent la vérité, alors? Pas du tout. En fait, les lanceurs d'alerte, ils sont digitaux. C'est souvent la transparence, l'échange sur des sujets sociétaux et sur ce qui se passe sur le net qui est la clé pour réussir une gestion avec les lanceurs d'alerte. Voilà, vous avez compris ? Non, c'est normal, c'est précisément le métier de cette dame. Ça s'appelle noyer le poisson, hein. Poisson étant synonyme de DSK, Cahuzac ou du Grand Journal par exemple, hein. Des catastrophes industrielles ou personnelles, donc peut-être un jour synonyme de Martine Schuder. C'est une brave chef d'entreprise qui était présente également. Pourquoi ? Pour savoir où on va à ce niveau-là. J'ai beaucoup de craintes. Mais alors pourquoi vous êtes inquiète comme ça? Parce que dans toutes les affaires, n'ont pas à être galvaudées n'importe où, c'est tout. Vu le manque d'éducation, de formation des gens et tout ce qui suit, ça leur donne des idées qui ne sont pas toujours très nettes. Les gens sont trop cons pour la vérité, alors? C'est la mauvaise interprétation qu'ils en font, monsieur, et leur usage. Et oui, mais oui, ne dites pas la vérité aux gens, ils vont en faire un mauvais usage, une mauvaise interprétation. C'est ce que je dis, moi, à ma copine, quand je rentre bourré à 4h du matin avec du rouge à lèvres sur ma chemise, je dis, je ne te dis pas la vérité, tu vas en faire un mauvais usage, une mauvaise interprétation. Elle a bien raison, Martine. D'ailleurs, poursuivons avec elle. Ça, c'est fort. Il y a une certaine confidentialité des affaires, parce que les gens nous dévoilent des choses de la vie privée, excusez-moi, j'ai pas ouvert ma porte. Pourquoi votre maison n'est pas faite totalement en verre? Parce que des fois, la vie des entreprises, ça concerne aussi la société en général. Oui. On passe d'abord par le monde politique, on verra après pour ouvrir le monde des affaires. Mais excellent système de défense, j'ai le même. À ma copine, je dis la même chose. Je dis, mais regarde Vizorek, il est pire que moi. Commençons déjà par régler le problème Vizorek et puis on verra après. Bon, elle a raison aussi sur les politiques. La transparence, c'est vrai que c'est pas leur truc. Au niveau des déclarations de patrimoine, par exemple, prenez Yamina Benguigui, l'ex-ministre de la francophonie, elle s'est fait choper. Parce qu'elle ne connaissait certainement pas le conseiller en patrimoine, Patrick Seize, que j'ai rencontré aussi. Lui aussi, il est très intéressé par le thème du colloque. Le thème d'aujourd'hui, ça me permet dans mon métier, puisqu'on a beaucoup d'informations confidentielles par rapport à nos clients, comment les protéger, comment ne pas les diffuser. Donc c'est les clients qui cachent un peu leur patrimoine, à ce que j'ai compris. Absolument pas. Par exemple, si c'est des clients qui essayent de frauder l'ISF, est-ce que vous allez les conseiller quand même? Bien sûr que non. Maintenant, il prend sa responsabilité. Je lui dis, c'est pas bien. S'il le fait, je suis pour rien. Eh bien oui, très bonne technique également. La technique dite du chat perché. Très bien, très bien. Mais oui, j'ai aidé mon client à planquer sa villa aux Antilles. Mais moi, je pensais qu'il l'avait déclaré au fisc. Évidemment, je ne savais pas. J'avais toute confiance en ce monsieur Balkany. Bien joué, Patrick XVI. Il s'appelle Patrick aussi, mais attention, pas d'amalgame. Non. Pas de racisme anti-Patrick, évidemment. D'ailleurs, concluons avec ce même patoche. Avec toutes les informations que je rentre dans mon ordinateur, que je fais par mail à mes clients et tout ça, Le piratage, ça existe, hein, je le sais. Alors là, c'est pas vraiment un colloque sur le piratage, hein. C'est un colloque sur le secret des affaires. Vous êtes trompé. C'est pareil. Ah non, vous allez vous emmerder là. C'est pas du tout le sujet du jour. Je pense pas. On apprend toujours quelque chose. Mais évidemment, on apprend toujours quelque chose, au moins sur les nouvelles méthodes, pour faire en sorte que les autres n'apprennent rien du tout. Bref, ils ont pas fini de faire leur magouille en douce, et nous, on n'a pas fini de se faire buzzer. Merci Guillaume Meurice. Dès que le MEDEF organise un truc, vous y foncez. Ah, mais ah, oui, c'est le que MEDEF, bien. C'est Noël. Alors, on va profiter de la présence d'Enrico Macias. Qui pour aborder son pouce un autre, Guillaume Meurice, il va dire Guillaume Meurice. Pour beaucoup. Aborder le deuxième sujet, voilà déjà au moins 2 heures que nous sommes sans nouvelles de François Hollande. 2 heures que l'on n'a pas entendu mince. François Hollande dans un média, et c'est très grave. Je lance une alerte. Heureusement, demain matin, il sera en entretien sur 8 pages dans Le Chasseur français. Voici un extrait de ses déclarations. Ah, que la chasse est un sport attachant. Rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs. Dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien. C'est pour Bourville, le gibier que l'on chose. Vient. Je ne sais pas pourquoi on imagine bien François Hollande chanter cette chanson. Maintenant qu'on sait qu'il est dans Le Chasseur français. Alors Enrico Macias, c'est vrai qu'on n'arrête pas de voir François Hollande. Il était sur RTL, c'était quoi, hier matin. La veille, on le voyait avec les caméras autour de 7 tonnes de cannabis. Voilà, parce qu'on avait arrêté les tonnes de cannabis, mais pas les dealers. Enfin bon. Et là, il est 8 pages dans Le Chasseur. Il est partout, tout le temps. Même dans Le Chasseur français. Quand vous voyez Hollande dans Le Chasseur français, vous vous dites quoi? Il est partout, il a un avis sur tout. C'est pas pour ça que les sondages sont favorables. Ouais, ça c'est sûr. Je crois qu'il a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce que lui manque? Et peut-être se taire, en l'occurrence. Est-ce que ça, la rareté de sa parole... Peut-être que ça serait une bonne technique, ça. Vous n'êtes jamais engagé en politique, Enrico. On n'a pas de souvenirs. Ah bon, ah bon? Si, et j'en ai marre. Voilà, je vous dis, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Ouais. Je voudrais que tous les partis politiques s'unissent contre le Front National. Ah. Voilà. Le seul engagement que je pourrais prendre. Ah ben il y avait un référendum pour ça, l'union de la gauche. Ouais, c'est pas tous les partis. Pas déjà quelques-uns. C'est l'union de tous les partis que je veux. Mais vous lancez un référendum alors, on peut faire ça si vous voulez aujourd'hui. Un référendum de femmes. Pour l'union tout ce de tous les, pour unir tous les partis et contre le Front National, ce serait une bonne idée. Bon alors donc demain matin, on est impatients de découvrir cette interview. Hein, surtout est-ce qu'il y a des photos? Oui alors ça vous dis, faut que je vous dise Enrico Macias, c'est que la France sache. Donc François Hollande est en une, mais c'est un petit temps. Comme ça, parce que à la une, c'est pas François Hollande vraiment, c'est la bécasse mordorée. Et là, ça doit pas être tout à fait innocent de la part du chasseur français. Priorité à l'info. Voilà, c'est bon, normal. L'interview de la bécasse, c'est pas dedans. Non. Mais il y a une raison, parce que voilà, il y a beaucoup de chasseurs dans le Nord, et le Nord est un enjeu pour le président, et donc voilà, il va chasser dans les niches de lecteurs. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, n'est-ce pas, Enrico? Je pense que complet. C'est validé. Il dit des choses intéressantes. En plus, il dit qu'il est contre les sangliers. Effectivement, ça quand même, ça me paraît être un point de vue politique. Mais c'est facile, les sangliers, ils votent pas. Et, pour les couteaux, l'aïeul, voilà, ça l'oblige à s'exprimer sur ces sujets, c'est intéressant. Ça fait 8 pages demain, hein, si on est aux toilettes, si vous voulez. Juliette Arnaud, oui, c'est à vous. Alors, de quoi nous parlez-nous, vous? Le livre d'aujourd'hui s'appelle Afro, les deux auteurs sont Rokhaya Diallo et Brigitte Sombier, et ça pèse quand même 857 grammes, vous n'allez pas l'emmener en week-end. Une petite question avant toute chose, quelles sont les deux femmes noires américaines les plus célèbres, les plus connues, les plus influentes au monde? Allez-y. Madame Obama. Oui, et Oprah Winfrey. Ah ouais, c'est ça. Un peu avant Michelle Obama. Non. La femme à Jay-Z. Mais non. Beyoncé. Mais non. Un point commun entre Beyoncé et Michelle Obama, en plus d'être noire, donc. Eh bien, en vrai, elles n'ont pas les cheveux lisses. Ah oui, si, breaking news, ces deux-là, en vrai, elles n'ont pas les cheveux lisses. Bon, c'est peut-être un détail pour vous, Alex, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Laissez-moi vous rappeler que le diable est dans les détails et que ce détail esthétique a une portée socio-politique et économique. Comment et pourquoi les deux femmes américaines les plus influentes n'apparaissent jamais les cheveux au naturel? Parce qu'on a mis dans la tête de tout le monde que crépus, frisé, c'était moche, pas acceptable socialement, et que seules les normes d'une beauté blanche valaient. Alors, bien sûr, il y a eu une petite époque avec la coupe afro qui fut popularisée par le mouvement des Black Panthers, Angela Davis, Nina Simone, mais qui a été vite rejetée par la société américaine majoritaire qui considérait les porteurs de cette coupe comme des marginaux, voire des inadaptés sociaux. Et puis, beaucoup plus récemment, on a vu arriver un mouvement qui arrive de la rue, celui qui s'appelle le mouvement NAPI. C'est une contraction entre natural et happy. Ah. Naturel et joyeux, ça fait NAPI. Et qui revendique d'ailleurs plus le bien-être que la revendication politique pure. Le bien-être, parce que lisser des cheveux, eh ben, ça se fait avec des produits chimiques qui contiennent de la soude. Très rapidement, ça abîme les cheveux au mieux, ça les bousille complètement au pire et ça vous donne des croûtes sur le cuir chevelu. Tout ça pour essayer de ressembler aux cheveux lisses des filles blanches, vous savez, souples, qui volent dans le vent et qui sont donc le modèle majoritaire. Comme Mélanie Bauer. Tout à fait. Par exemple. Et pas comme moi. La démarche de Rogaïa Diallo et Brigitte Sembier, c'est de recueillir la parole de femmes et d'hommes de nos jours, connus et inconnus, jeunes et moins jeunes, d'origine noire et arabe, et de les photographier. Et d'écouter ces gens nous raconter comment ils ont pris la décision de laisser leurs cheveux au naturel. Ce que ça leur apporte, ce que ça leur coûte parfois, parce que les cheveux frisés, crépus, c'est considéré comme une négligence, voire carrément comme de la saleté. Par exemple, tu ne peux pas être hôtesse d'accueil si tu ne te lisses pas les cheveux hyper raides. Et puis, tu auras du mal à présenter un JT. Si, par exemple, Audrey Pulvar décidait de se laisser les cheveux naturels... Elle l'a fait. Oui, elle n'a pas présenté le JT de cette manière. Hein, non, elle était aux Arocs à l'époque. Voilà. Il raconte aussi le ras-le-bol de claquer des tonnes d'argent chez le coiffeur, de ne pas être soi, finalement, de passer un temps infini à se faire des brushings qui meurent à la première humidité mal maîtrisée, résister aux moqueries continuelles, fines et subtiles, qui vont de « ton coiffeur, il est mort » ou bien à « vas-y, c'est pas le carnaval » en passant à « un caniche mort sur la tête » et le « hé, t'es coiffé comme un dessous de bras » qui fait toujours plaisir. Ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est le rapport à la mère qu'il y a dans tous ces témoignages pour le meilleur et pour le pire. Parce que ce sont les mères qui coiffent les enfants et qui ont tendu longtemps vers le défrisage, le lissage. Et ainsi, il y a un jeune homme qui témoigne et qui dit cette phrase que je trouve somptueuse. Il dit « Je sais pas, moi ma mère, elle les trouvait beaux mes cheveux, alors je les trouvais beaux aussi. » Il y a également un témoignage très touchant de Christiane Taubira, qui au départ, elle a fait comme tout le monde, elle s'est fait lisser, ceci, cela. Et puis, il y a un moment où elle arrête ça et en fait, ça correspond au moment où sa maman meurt. Et elle est très triste, elle dit qu'elle est très éprouvée, qu'elle a mis 20 ans à s'en remettre, et néanmoins que ça a été exactement le moment où elle a décidé qu'elle arrêtait de se lisser les cheveux et qu'elle allait porter des tresses. Et puis il y a aussi une jeune prof de français à Bobigny, alors vous verrez dans le livre, il y a une magnifique photo d'elle, elle a des grands cheveux frisés, détachés, vivants, et quand ses élèves lui disent « mais madame, pourquoi vous laissez vos cheveux comme ça ? Je sais pas, ça fait bizarre », la prof elle leur répond « je laisse l'Afrique sur ma tête ». Voilà, je ne saurais trop vous le conseiller. Merci, c'est très très très bonne idée de Juliette Arnault. Vous pouvez retrouver les références des livres qui vous sont proposés. Oui, c'est aux éditions Les Arènes, pardon. Sur franceinter.fr, donc Afro édition Les Arènes. Merci Juliette. On va aborder le troisième sujet avec vous, Enrico Macias. Taratata qui revient à la télévision samedi soir pour une 500e. Enfin, un petit peu de musique à la télévision, autrement que par un télécrochet. Alors, quelle est la place de la musique aujourd'hui en télé ? On va en discuter, mais avant... La place de la variété, avant, c'était parfois entre deux sketchs. Maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que cette feuille qu'on a trouvée sur toi avec plein d'élan ? Quelle mentalité, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette feuille ? À vous, saloperie, à vous ! Ah, Maïna, je vous avais gagné armistice, je m'allonge. Enfin ! Je m'allonge, je vais tout vous dire. Marqué. J'en ai marre, j'en ai assez. Alors, qu'est-ce que c'est, j'ai rendez-vous avec les Ritchie Family. Ouais, voilà. Marqué. Jeanne Manson. Marqué. Ouais. Elisabeth Jérôme. Marqué. Et Yves Simon. Oui. Un groupe de gitans. Voilà. Los Reyes, ça y est, tout de suite, les arrière-pensées. Allez, allonge-toi. Dalida. Ouais, pas de mal. Michel Sardou. Jean-Claude Ric et son orchestre. Oui. Il y a même Kakino De Paz. Il est là. Au Canoun. Oui. Ouais. Et puis il y a Kahlaoui. Oui. Aussi. Il y a même mon père. Alors, même mon père, je l'ai balancé. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai vu. Mais c'est un réseau international. Extrait numéro 1 chez les Carpentiers avec Robert Castel, votre complice. À l'époque, à la télévision, et vous l'expliquez d'ailleurs dans le livre L'envers du ciel bleu, publié au Cherche Midi. À l'époque, la promo pour vos chansons, il fallait aussi surprendre le public, faire d'autres choses, et notamment des sketchs. Non, ça je le dois à Maritier, Gilbert Carpentier, qui m'ont demandé de faire des sketchs. C'était la première fois de ma vie que j'en faisais. Vous jouez pas très bien d'ailleurs. Hein ? Vous n'êtes pas un grand acteur sur ces sketchs. Là, aujourd'hui, vous êtes bon, moi je trouve. Je suis pas un grand acteur, moi. Si, j'ai fait un grand acteur. Dans La Vérité si je mens 2. J'ai joué dans La Vérité si je mens 2, dans La Vérité si je mens 3, dans Bienvenue à bord. Donc Gladiator, dans Coco, vous étiez excellent. Avec Gad Elmaleh. Moi, je suis pas un grand acteur, moi. Elle regrette. Dans les sketchs. Mais je débutais. Oui, c'est ça. Je débutais, mais on mourait de rire. Parce que j'avais à moment donné, on avait fait un sketch style un petit peu Louis XVI, Versailles, avec Robert Castel. On avait une perruque blonde et moi, j'étais au clavecin, comme ça. Et puis, de temps en temps, la perruque, elle sautait. On voyait mes cheveux noirs. C'était vraiment terrible. Et Robert Castel, il inventait des trucs. Alors que les textes étaient bien déterminés, lui, il improvisait et j'arrivais plus à lui faire des répliques parce que je mourais de rire. Alors, justement, je lis aussi dans le livre, vous avez joué quelquefois à la radio dans l'orchestre de Lili Labassi, le père de Robert Castel. Exactement. Lili Labassi m'avait demandé de l'accompagner avec son orchestre, à la guitare, évidemment, à la radio. Maintenant, c'est Radio Montmartre, l'endroit, je me rappelle très très bien. Et il était tellement tendre, tellement gentil, tellement talentueux. Il m'attendait comme si j'étais son fils. Il m'attendait pour que je vienne jouer avec lui à l'émission de radio. Et voilà. Et donc la musique, vous réunissez aussi avec Robert Castel. Tiens, aujourd'hui, Enrico Macias, est-ce qu'il y a encore de la place pour des chanteurs comme vous à la télévision dans des émissions qui parlent de musique ou qui vous font jouer? Est-ce que vous trouvez qu'il y en a encore? Taratata qui ratisse très très large dans son émission. Hein. Il y a de Kenji Girac à Eddie Mitchell. Il y a Taratata, il y a Michel Drucker, il y a Patrick Sébastien, un peu. Mais ça suffit pas. Mm-hmm. Avant, il y en avait beaucoup plus. On avait beaucoup plus de temps pour s'exprimer, pour donner la chance aux jeunes chanteurs. Pas comme les stars... Ceux qui viennent des télécrochets, vous voulez dire. Oui, des télécrochets, ouais. Tout ça, non. Vraiment, des jeunes chanteurs qui venaient... Avec leurs propres chansons. Avec leurs propres chansons. Là, maintenant, avec les reprises, on ne sait plus où on est, quoi. Ça fait 15 ans qu'on n'écoute que des reprises. Et le public aime toujours ça. Je pense que la tradition de la chanson ne va jamais se perdre. Et que je suis content que Taratata revienne, par exemple. Et vous allez voir, il y aura des nouveaux Maritier Gilbert Carpentier, il y aura des nouveaux Michel Drucker, des nouveaux Patrick Sébastien. Et des nouveaux sketchs. Mais oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas un sketch avec vous dans cette émission, Enrico Macias? Si vous voulez. Toutes les fins d'émission, on surprend l'invité, on lui propose un sketch, un rôle. D'accord. Alors, je vous donne un rôle. Ah, d'accord. Je vous donne le rôle d'Enrico Macias. Vous avez dit que vous étiez un grand acteur. Je vous explique. Ne lui mettez pas la pression. Je vous explique le concept. Vous connaissez la tournée Star 80, la tournée Star 90. Là, il y a un producteur qui s'est dit, je vais réunir tous les anciens soutiens de Sarkozy, Star 2007. Et vous partez en autocar tous ensemble pour la première tournée. On y va. Enrico, t'en veux ? Doc, arrête, hein. Tu sais que je ne fume pas ça, moi. Ah bon, on peut fumer autre chose ? Salut les gars, prêts pour la première ? Jean-Marie, oui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, ce soir ? J'ai adapté un sketch. Est-ce que vous savez qu'on a une chance sur 10 millions que Sarko soit réélu en 2017 ? Admettons, le mec, il réussit surtout en politique. C'est comme la chauve-souris. Admettons, le mec, il fonde un nouveau parti. Admettons. Dis, je me suis toujours demandé... T'es pas vraiment docteur. Non, ni gynéco, mais là, je le pratique quand même en amateur. Admettons, le mec, il gagne la primaire, admettons. Le mec est blanchi dans l'affaire Big Malion. Quand j'entends ça, je préfère chanter « Donnez, donnez ». Donnez-moi mille colombes. Mireille, tu vas bien, toi? Oui, de toute façon, si Nico, il ne gagne pas. Je retourne à Moscou soutenir Poutine. Là-bas, c'est la vraie démocratie. Calme-toi, Mireille. Et puis Louis, il est aimé du peuple. La preuve au dernier présidentiel, il a été élu à 103%. Alors ça, si c'est pas de l'amour, ça, hein? Je t'ai dit de te calmer, Mireille. Oui, oui, oui. Admettons, le mec trouve encore quelqu'un pour financer sa campagne, admettons. Sardou, il n'est pas là? Non, je lui ai passé un spliff. Il est en train de faire du ski nautique sur les lacs du Connemara. Et Mireille? Aussi, tu lui en as donné ? Donnez-moi mille colombes ! Non, elle, c'est naturel. Admettons, le gars passe le premier tour. Jean-Marie, il en a pris, lui, par contre. Tu sais quoi ? Fais tourner le OING. Alors, qui traduit le OING ? Le Ouinge. Oui, le Ouinge. Voilà. maintenant j'ai compris. Voilà. Voilà. Comme je savais pas ce que c'était, j'ai compris. Pas savoir. Vous l'aviez jamais vu écrit, surtout. Il est comment comme acteur, Enrico Macias? Il est très bien. Il est très, vous très êtes bien. Formidable. La Bedeau. Vous connaissez? Merci beaucoup, Enrico Macias. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous pendant toute cette heure. On a tout fait. On a fait du sketch, on a parlé actualité, on a parlé de votre livre. Hein, et on a changé le monde. Et on a changé le monde. Je me suis régalé. J'adore la bonne humeur qu'il y a dans ce. Et puis aussi la qualité des arguments que vous donnez et des reportages. Et on essaye d'approfondir les dossiers. Vous êtes le premier. C'est vrai, j'ai bien aimé. Cette émission, c'est grâce à vous, surtout oui. Enrico Macias, merci beaucoup. Je rappelle... Arrêtez, il y a trop d'amour, ça me stresse. Il y a trop d'amour, c'est écoutez. Je vous rappelle, votre livre « L'envers du ciel bleu » s'est publié au Cherche Midi. Enrico Macias, votre histoire depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, et elle continue d'ailleurs. Donnez, voilà. Merci à tous, merci à Juliette Arnaud, Mélanie Bauer qui nous a parlé de musique arabo-andalouse. On vous renvoie aussi à sa chronique sur le site franceinter.fr. Hein, on entend chanter, bien sûr, sur Yaraya. Merci Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On va se retrouver demain avec Constance. Le mot de la fin, Enrico Macias, on va le faire référence, tiens, pour ce mot de la fin, à l'interview de François Hollande qui paraît demain dans un magazine spécialisé. Ah, que la chasse est un sport attachant. Rien n'est plus beau que la chasse. Oh là là là.